peux plus trop croire en toi. J'ai préféré la night. Je me noie plus dans ses bras. Je veux pas que mes démons reviennent tous à la nage. J'oublie tout si j'ai mal. J'suis déjà sorti des flammes. Mais c'est chaud quand ça brûle. J'essaie de retrouver l'autre partie de mon âme. J'y pense que si j'arrête de penser, sur la table y'a ce qui m'empêche de penser. Ta copine a claqué son déhanché. Mais c'est sur moi que les yeux sont restés branchés. Je laisse faire, c'est mon regard qui fait qu'il espère. Je sais le faire, ce soir t'es pas celui que je préfère. Je laisse faire, c'est mon regard qui fait qu'il espère. Je sais le faire, ce soir t'es pas celui que je préfère. Ça le rend malade de voir du monde autour de moi. Ça le rend malade de ne pas m'avoir dans ses bras. Ça le rend malade quand il voit que je fais des dégâts. Ça le rend malade de ne pas avoir contrôle sur moi. Ça le rend malade. Je me sens un toxic love. J'ai besoin d'un antidote. Je prendrai pas ce qu'il me donne. Réveille pas le démon qui dort. Bad gal, bad gal, bad gal, bye. Je le regarde dans les yeux donc il bug quand il parle. Ce soir c'est moi la base, tout suffit ce qui bat les balles. Je veux rentrer dans ta tête et appuyer sur tes failles. Bad gal, bad gal, bad gal, bye. Ce soir comprends que je serai jamais ton bail. Je n'ai même pas tes mains, il parle de ice contact. Pour me follow il attend pas qu'on parte. Je laisse faire. C'est mon regard qui fait qu'il espère. Je sais le faire. Ce soir t'es pas celui que je préfère. Je laisse faire. C'est mon regard qui fait qu'il espère. Je sais le faire. Ce soir t'es pas celui que je préfère. Ça le rend malade de voir du monde autour de moi. Ça le rend malade de ne pas m'avoir dans ses bras. Ça le rend malade quand il voit que je fais des dégâts. Ça le rend malade de ne pas avoir contrôle sur moi. Je vois pas d'avenir à deux. Au fond je sais bien ce qu'il veut. Je vois pas d'avenir à deux. Au fond je sais bien ce qu'il veut.